Tu savais que toi, que Croc, tu savais toi que Croc s'était reconverti dans le développement personnel? Non? C'est fou quand même. Salut à toi, personne non binaire, qui que tu sois sur le spectre entre monsieur, madame et puis le reste. Eh bien, je m'appelle toujours Thomas Meunier, je te fais toujours une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci, on va parler d'un sujet que parfois, quand certains entendent, sortent leur, je te laisse compléter la phrase, la bienveillance en jeu de rôle. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien écoute, comme tu vois, je vérifie mes sources, je suis allé voir sur le Wiktionnaire ce qui signifiait bienveillance, et ça veut dire motivation à respecter autrui et agir pour son bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ramener dans le cadre du jeu de rôle? Ça veut dire en fait, je dirais surtout sortir de faire du jeu de rôle en fait selon une optique de consommation, on va dire pour son plaisir individuel. C'est-à-dire que toi et moi, qu'on soit MJ ou joueur-joueuse, on peut avoir tendance à notre objectif principal sur la partie de jeu de rôle, c'est trouver bah, notre plaisir à nous, quoi. Donc MJ a déroulé son scénario, et puis joueur-joueuse, est-ce que leur personnage brille, est-ce que le scénario soit gagné, ou tout simplement à passer une bonne soirée. Et en fait, un peu, si tu veux, les autres joueurs et joueuses sont juste bah, des outils pour y parvenir. Alors, bien sûr. Je pense que personne n'est jamais vraiment comme ce que je dis. Je te fais juste un petit raccourci pour que tu vois un petit peu ce que j'identifie parfois comme un problème. Donc la bienveillance, c'est donc en fait l'idée de venir sur une table de jeu de rôle en prenant en considération aussi les objectifs, le bien-être et le plaisir bah, des autres personnes à la table. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ben, bon, bah déjà, ça veut dire bah, prendre attention au bien-être des autres. Donc, évidemment, on va parler de sécurité émotionnelle. Donc, accepter la présence des outils de sécurité émotionnelle à sa table, quoi. Même si toi, tu estimes que tu n'en as pas besoin parce que tu es trop dur, tu as fait la guerre du Vietnam, tout ça. Et ce n'est pas une partie de mon petit poney RPG qui va te mettre en PLS. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas des autres personnes à ta table. Je veux dire, on peut avoir peur des poneys, hein. Tu sais que les poneys, ça mord. Tu sais que tu peux te faire mordre par un poney. C'est vraiment des bêtes sauvages, en fait, hein. Pardon, désolé s'il y a des gens qui sont triggers par les poneys. Bon, c'est-à-dire que, grosso modo, on en est là, en fait. L'idée, c'est de se mettre un tout petit peu à la place de l'autre, un petit peu à se mettre dans la tête de l'autre. Alors, comme c'est pas possible, ben, on peut faire que des suppositions. Et ces suppositions, justement, elles doivent être bienveillantes. On va déjà supposer que les personnes ont peut-être des fragilités que toi, tu n'en as pas. Donc, c'est le but de la sécurité émotionnelle. Je te rappelle pas. C'est ça, c'est la queue du chat qui vient de passer, tout normal. Non, des moustaches, c'est ses moustaches. Et, mais ça veut aussi dire, si tu veux, à l'inverse, quand une personne a un comportement à la table qui te paraît limite, qui justement mériterait soit l'emploi de techniques de sécurité émotionnelle, soit en tout cas, tu sens que tu as la carte X qui te chauffe, peut-être aussi, toi, tu peux te mettre un petit peu à la place de l'autre et puis te demander pourquoi elle a ce comportement limite, est-ce qu'elle en a conscience? Ou est-ce que c'est toi qui mets des barrières un peu hautes? C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de mettre la carte X s'il y a un comportement problématique à la table, mais en restant dans le respect de la personne, tu vois, qui a ce comportement, quoi. Donc, ça veut dire que quand même, après, on va discuter, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'elle voulait amener dans le jeu à travers la scène qu'elle a mise et qui, toi, t'as trigger, qui fait que t'as mis la carte X. Voilà, c'est une bienveillance qui va dans les deux sens. Ça veut aussi dire, bon, j'ai déjà répété, mais ça reste mon mantra, cette idée de on est tous et toutes co-responsables de la partie. Donc, faire des checks réguliers, simplement de juste faire une pause de temps en temps, dans la partie, demander est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Parce que bon, la sécurité émotionnelle, c'est vraiment un tout petit aspect de ce que tu peux avoir comme inconfort en jeu, puisque ça ne va pas du tout gérer le fait que tu ne comprennes pas les règles, que tu sois fatigué, que tu t'ennuies, que ça soit trop long, que tu ne comprennes pas l'univers, que ce ne soit pas ta tasse de thé en matière de genre narratif, tout ça, que ton personnage ne soit pas mis en valeur, que tu n'arrives pas à prendre la parole. Enfin, il y a beaucoup que tu n'oses pas demander à aller faire pipi. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas tellement prises en compte par la sécurité émotionnelle, qui se concentrent beaucoup, en fait, sur les scènes, et en plus, déjà, sur la fiction, tu vois, et sur les scènes limites. Donc, tout ce qui est comportement hors fiction, bah, c'est pas méga géré par la sécurité émotionnelle. Donc là, pour moi, si tu veux, c'est la bienveillance qui va prendre le relais. Ça veut dire aussi, au moment du briefing, de la partie, eh bien, montrer qu'on est dans cette attitude bienveillante, bah, tout simplement par des sourires, par une voix douce, et par le fait de laisser du temps pour que les gens puissent poser des questions, puissent aménager la partie à leurs besoins. Alors, c'est encore... Je vais faire une toute petite... je suis habitué à ça parce que je suis aussi du GN, et en GN, c'est vraiment très présent, ces notions-là. Parce que là, en plus, tu parles d'autres problèmes qu'on n'a pas trop en jeu de rôle, du genre les personnes qui ont des problèmes avec, avec les hurlements, avec les forts bruits, quoi. Que bon, en jeu de rôle, généralement, ça va, quoi. Mais en GN, tu peux te faire crier dessus vraiment fort, quoi. Ou il peut y avoir de la musique forte, tout ça. C'est le genre de choses qu'on doit gérer. Et ainsi de suite. Alors, ça ne veut pas dire tout prévoir et faire une espèce d'énorme liste, tu vois, de coche tes différents problèmes, handicap, requêtes et tout. Mais juste dans ta note d'intention, dans ton faire un petit message du genre, si tu as un problème, une spécificité qui nécessite qu'on en parle pour aménager le jeu, bah, envoie-moi un message privé. Et pareil, quand on voit des messages pour proposer des parties de jeux de rôle, maintenant, j'ai tendance à le faire. Bon, bah, là, je t'envoie un message, mais je commence à avoir une grosse mailing list. Je te dis, en fait, si tu n'as plus envie d'être invité pour X raisons, eh bien, mentionne-le-moi, quoi. Et voilà, c'est aussi dans ces trucs de respecter le droit à retrait, d'accepter qu'une personne n'ait pas envie de jouer avec toi, n'ait pas l'énergie pour jouer en ce moment, ou ait d'autres projets qui sont rôlistes ou autres, qui finalement l'intéressent plus en ce moment, la retiennent plus, l'engagent plus. Et bah, accepter, en fait, accepter ça, quoi. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas aussi de faire de l'auto-bienveillance. Bah, déjà reconnaître qu'on a ses propres limites qui sont difficiles à déborder. Moi, personnellement, par exemple, mon gros problème, c'est que je parle beaucoup, je suis très bavard, que ce soit en jeu de rôle ou en GN. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais quand je déborde, je me pardonne un petit peu, quoi. Parce que l'objectif, c'est pas non plus de bouffer les sangs pour quelque chose qui peut-être, d'ailleurs, n'a pas dérangé personne. Parce qu'on a vu dans la vidéo sur la timidité que des fois, les gens sont contents que quelqu'un prenne l'espace vocal et le remplisse. Donc, si tu vas pas demander aux gens si vraiment tu as causé un problème, tu n'as peut-être pas causé de problème. C'est vraiment cet état de pensée de ne jamais préjuger. Ne pas faire de procès d'intention, demander des informations supplémentaires si tu as un doute. C'est vraiment ce truc-là de poser des questions. Tu peux employer les messages privés, faire dire j'ai dit cette chose-là, peut-être que ça t'a gêné ou pas, ou est-ce que ça t'a embêté que je ne vienne pas de partie d'affilée et tout. Et des fois, il suffit de ça pour dénouer une situation, débloquer une situation. Alors, je fais un tout petit crochet par évidemment tout ce qui est communauté. Rôliste en ligne, parce que tu doutes bien que du coup cette bienveillance va être importante dans les échanges. Alors bien sûr, bienveillance ne veut pas dire forcément bien-pensance, ne veut pas dire laxisme, ne veut pas dire interdiction des conflits, tu vois. Il faut qu'on puisse se parler, surtout dans les communautés. C'est important quand des problèmes ils soient débattus, qu'on ne mette pas sous le tapis derrière un émoji à paillettes, hein, tu vois, bien sûr. Donc, la bienveillance, c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu autoréguler pour qu'on ne devienne pas... En plus, j'ai avec mon t-shirt dans le crâne rasé, ça fait trop ça. Peut-être qu'on ne devienne pas une espèce de secte illuminée, Bienvenue dans le monde des bisounours, du jeu de rôle. Ici, tout n'est qu'amour. Laisse toutes tes émotions négatives derrière toi. Laisse-les. Laisse tes émotions négatives. Et juste pour conclure sur la bienveillance, et puis après je vais présenter le sponsor de cette vidéo qui est vraiment un sponsor chaud, quoi. Pensez aussi dans la fiction, c'est-à-dire envisage de jouer un personnage qui soit bienveillant, qui soit éventuellement altruiste, qui a un objectif qui soit centré vers le bien commun, vers la protection des autres, qui ne juge pas trop facilement et trop durement les PNJ, les PJ, qui essayent d'arbitrer les conflits et tout. Pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà? Et si tu ne le fais pas, est-ce que tu as envie de le cultiver? Si tu le fais, est-ce que tu as envie de nous laisser des anecdotes de qu'est-ce que tu as apporté en jeu de rôle? Est-ce que c'était un feeling intéressant ou est-ce que c'était dur? Et maintenant, je te présente le petit sponsor de notre vidéo. Voilà, j'ai discuté avec lui tout à l'heure. Il s'appelle Hippono. C'est un petit monstre vert. Alors, j'ai l'impression qu'il a l'air bleu à la caméra, mais je te promets, il est vert. Il est vert, donc c'est un petit monstre rond qui vole comme ça. En fait, il est tout gentil. Un jour, il arrive dans un village où tout le monde souffre, a des douleurs, des souffrances. Et lui, il a un pouvoir, c'est d'aspirer, en fait, d'aspirer les douleurs, quoi. Et pour guérir un peu les gens du village, mais il va se rendre compte que les gens du village, en fait, sont plutôt ingrats. Et en fait, Hippono, lui, ça lui fait du mal d'absorber les douleurs, ses ailes rétrécissent. Les gens du village ne prennent pas soin de lui en échange, quoi. Et donc, on va suivre un petit peu ce conte. Donc, c'est un conte qui s'appelle Hippono et les sacs de douleur. Je te mettrai le lien en description. C'est ma petite sœur adorée, Claire, qui a fait le dessin. Et c'est Morgane au scénario. Et maintenant, je te fais des grands bisous. Voilà, rayon d'amour. Salut, salut.